Chapitre 15. Après avoir rencontré le paysan qui leur avait prédit la prochaine arrivée d'un orage, ils avaient continué de gravir lentement le sentier qui, à travers des prairies et des bois, courait en des détours capricieux sur le flanc de la montagne. À vrai dire, rien, pour des personnes qui n'étaient pas du pays, n'annonçait que cet orage fût prochain. « Je crois que ce paysan a voulu nous faire peur, » dit Carmelita. « Et pourquoi ?»« Pour rien, pour s'amuser. » Pour le plaisir de nous faire retourner sur nos pas et de nous voir pris de panique. Cependant, il me semble que nous ne sommes pas dans des conditions atmosphériques ordinaires. Je ne parle pas seulement de cette transparence de l'air, qui nous permet de voir à des distances considérables, ce qui, dans tous les pays du monde, est un signe à peu près certain que le temps va changer et se mettre à la pluie. Je parle encore d'une gêne dans la respiration qui n'est pas habituelle à cette altitude. J'ai assez pratiqué ces montagnes en ces derniers temps pour avoir remarqué qu'à mesure qu'on s'élève au-dessus du lac et de la plaine, on respire plus facilement, en même temps que le corps devient plus léger et l'esprit plus vif. Aujourd'hui, c'est le contraire qui se produit. On étouffe, moi au moins, moi aussi. Mes pieds sont lourds, les miens aussi. Alors, vous voyez bien qu'il doit y avoir de l'orage dans l'air. Peut-être. Mais je n'ai pas besoin de l'orage pour m'expliquer l'espèce de malaise que j'éprouve. J'ai de bonnes raisons, de trop bonnes raisons, pour respirer difficilement aujourd'hui. Mais si vous êtes souffrante, il faut rentrer. Souffrante, je ne le suis point vraiment. Je suis oppressée, voilà tout. » Il s'arrêta pour la regarder, et il vit qu'en effet, elle paraissait sous le poids d'une émotion assez vive, ou tout au moins d'un trouble. « Vous avez envie de me questionner ?» dit-elle. « Il est vrai. » Pourquoi ne le faites-vous pas franchement? Je n'ai rien à vous cacher, et je puis très bien vous dire ce qui me cause cette oppression. Ce n'est point une souffrance physique, c'est un tourment moral. N'êtes-vous pas mon confident? Hier, j'ai reçu une lettre de mon maître de chant, dans laquelle il me dit qu'il m'a trouvé un engagement en Italie, et que je dois me hâter de partir, sinon pour débuter, au moins pour me mettre à la disposition de mon directeur. Je n'ai donc plus que quelques jours à passer ici. Ah! Peu de jours, très peu de jours, et j'avoue qu'au moment de prendre cette grave détermination, je suis ému, très ému. » Elle s'arrêta un moment, puis bientôt continuant. « Il m'en coûte beaucoup de me séparer de ma mère, d'abandonner mon oncle. Et je dois le dire aussi, pour être sincère, il m'en coûte de renoncer à cette vie tranquille, heureuse, que je menais ici pour me jeter dans l'inconnu. Et pourquoi renoncez-vous à cette vie tranquille ? Puis-je faire autrement? Et pensez-vous que je sois revenu sur ma résolution? Elle est aujourd'hui ce qu'elle était au moment où je vous l'ai fait connaître. Seulement, prête à la mettre à exécution, je la trouve plus cruelle, plus pénible qu'alors que j'avais quelques jours devant moi, qui semblaient devoir se prolonger jusqu'à une époque que je ne déterminais pas. Maintenant, cette époque est fixée. Ce ne sont plus quelques jours que j'ai devant moi, c'est seulement quelques heures. Quelques heures. « Demain, j'aurai quitté le Glion. Après-demain, je serai en Italie. Vous partez demain ?»« Cette promenade est la dernière que nous ferons ensemble, au moins dans ce pays, dont je garderai un si bon, un si doux souvenir. » Disant cela, elle se retourna et promena lentement ses regards sur la plaine et sur le lac qui derrière eux s'étendait à leurs pieds. Une larme semblait rouler dans ses paupières et mouiller ses yeux, qui brillaient d'un éclat extraordinaire. « Voilà la maison où j'ai passé les meilleurs jours de ma vie, » dit-elle en montrant le toit de l'hôtel qu'on apercevait tout au loin, confusément, au milieu de la verdure. Puis, se retournant de nouveau et regardant du côté de la montagne, « Voilà la fontaine où nous avons déjeuné, » dit-elle en levant la main, « et vous avez si patiemment écouté mes plaintes. » Alors, secouant la tête comme pour chasser une pensée importune, « Vous plaît-il que nous déjeunions là encore aujourd'hui, » dit-elle. Pour la dernière fois, je vous conduisais à cette fontaine. C'est cela, allons-y, et vienne l'orage pour que la journée soit complète. » Ils continuèrent de gravir le sentier qu'ils suivaient, marchant lentement tous deux, silencieux et recueillis. Carmelita paraissait sous le poids d'une vive et pénible émotion. Lui-même, comme il l'avait dit, se sentait l'esprit moins libre, le corps moins dispos que de coutume. Sans doute, c'était l'influence de l'orage qui pesait sur eux. Et cette influence s'ajoutant chez Carmelita à son angoisse morale, devait produire les changements qui se montraient en elle. Jamais il ne lui avait vu les yeux si brillants, si pleins de rayons lumineux. Jamais elle n'avait montré tant de langueur dans ses mouvements. Elle respirait lentement, péniblement, et marchant derrière elle, il voyait ses épaules se soulever et s'abaisser comme si la montée la mettait à bout de souffle. Quand elle se retournait vers lui, elle le regardait plus longuement, plus profondément qu'elle ne l'avait jamais fait. Que voulait-elle? Que cherchait-elle? À un certain moment, pensant qu'elle était fatiguée, il la pria de s'appuyer sur lui et lui tendit la main. Mais elle n'avança pas la sienne. « Non, dit-elle, je ne suis pas fatiguée, allons toujours. » Si elle n'était pas fatiguée, elle était au moins haletante. L'orage, c'était l'orage. À mesure que la matinée s'écoulait, le temps devenait de plus en plus lourd. Pas un souffle de vent. Le feuillage des hêtres immobiles, sans un bruissement. Pas d'autre bruit que celui de l'eau des sources qui s'écoulait en clapotant sur les cailloux qui barraient son passage. Au loin, quelques faibles tintements des clochettes des bâches. Cependant rien, si ce n'est cette pesanteur de l'air, n'annonçait qu'un orage fut prochain. Le ciel était bleu, sans nuages, et le soleil dardait ses rayons avec une intensité peu ordinaire. Ils arrivèrent enfin à la fontaine où Carmélita avait appris au colonel qu'elle était décidée à abandonner sa mère et son oncle pour entrer au théâtre. Ils s'assirent sur les pierres où ils s'étaient assis le jour de cette confidence, et de temps en temps seulement, le colonel se leva pour aller chercher l'eau qu'il mêlait à leur vin. Mais leur entretien fut moins libre, moins facile. Il semblait que Carmélita fût embarrassée de parler, ou tout au moins qu'elle eut peur d'aborder certains sujets. Et souvent elle garda le silence, s'enfermant dans ce mutisme qui autrefois lui était habituel. Cependant, lorsqu'elle se taisait ainsi, elle ne détournait point les yeux. Au contraire, elle les tenait attachés sur le colonel. Et lorsque celui-ci levait la tête, il la voyait muette, immobile, le regardant avec cette puissance de fascination énigmatique, si bizarre chez elle, avec ce sourire si étrange des lèvres et des yeux, si attrayant, si séduisant, si inquiétant. Vous vous souviendrez de ma prière, n'est-ce pas ? Dit-elle. Et toutes mes explications, vous les répéterez après mon départ ? Je les répéterai. Qu'il ne doute pas de ma tendresse. C'est là, surtout, ce que je veux. Soyez certaine qu'ils n'en douteront point. J'ai foi en vous. C'est en vos mains que je remets leur consolation, s'il est vrai qu'ils puissent être consolés. Elle garda de nouveau le silence, puis, bientôt, continuant le même sujet. J'ai encore une demande à vous adresser. Me permettez-vous de vous écrire et voulez-vous me promettre de m'écrire vous-même? C'est par vous seul, que je puisse savoir comment ils ont supporté le chagrin que je leur cause. Je vous écrirai. Aussitôt arrivé, je vous donnerai mon adresse par une dépêche et vous me répondrez sans retard, n'est-ce pas? Sans retard, je vous le promets. Maintenant que tout est convenu, ne parlons plus de cela, et soyons tout au plaisir de notre promenade. Pourquoi l'orage ne vient-il pas? S'il arrivait, nous serions assez embarrassés. Où nous abriter? Il n'y a ici ni maison, ni chalet, ni hutte. Alors montons. Du côté de Jaman, nous trouverons des huttes. Oui, mais aurons-nous le temps d'arriver à Jaman? Essayons. De nouveau, ils se mirent en route. Pendant leur déjeuner, la chaleur était devenue plus pesante. Quelques nuages se montraient çà et là dans le ciel, et de temps en temps, soufflait un vent chaud qui arrivait du sud. Puis, cette rafale passée, tout rentrait dans le calme et le silence. En traversant un bois de sapins, ils furent suffoqués par la chaleur. L'air qu'ils respiraient leur brûlait la gorge. Leurs lèvres se séchaient. Les aiguilles tombées sur la terre, qu'elles feutraient d'un épais tapis, étaient glissantes au point que deux fois, Carmélita faillit tomber. Alors il s'approcha d'elle, et lui prenant le bras, il le mit sous le sien. Elle s'appuya sur lui, et ils marchèrent d'un même pas, sans que leurs pieds fissent de bruit sur ce tapis moelleux. Lorsqu'ils sortirent de ce bois de sapin dont les hautes branches, formant un couvert épais et sombre au-dessus de leur tête, leur avaient caché le ciel, ils virent que de gros nuages noirs arrivaient rapidement du côté du sud. et presque aussitôt, une rafale s'abattit sur la montagne avec un bruit sourd. Tout ce qui était immobile et mort s'anima et entra en mouvement. Les feuilles arrachées des branches passèrent dans l'air, emportées par le vent. Au loin, on entendit le roulement sourd du tonnerre, et dans la montagne, à des distances plus ou moins rapprochées de l'endroit où il se trouvait, éclatèrent des sonneries de cloches se mêlant à des mugissements de vaches et à des cris de bergers. Regardant autour d'eux, ils aperçurent, sur les pentes des pâturages inclinés de leur côté, des vaches qui couraient çà et là, la queue dressée, la tête basse, galopant sans savoir où elles allaient. « Enfin, voici l'orage, » dit Carmélita. « Et trop tôt pour nous, je le crains bien. Aurons-nous le temps de gagner la hutte ? Pressons le pas. Appuyez-vous sur mon bras. Ne craignez rien, je vous suivrai. Marchez aussi vite que vous voudrez. » Il allongea le pas et elle l'allongea également. Mais à marcher ainsi côte à côte dans ce sentier assez mal tracé, il y avait des difficultés. Souvent, ils étaient obligés de s'éloigner l'un de l'autre pour éviter des quartiers de roches qui barraient le chemin. D'autres fois, au contraire, ils devaient se rapprocher, et alors ils s'arrêtaient forcément durant quelques secondes. « Voulez-vous que j'abandonne votre bras ?» dit Carmélita. « Je crois que nous marcherons plus vite séparément. »« Si vous voulez. » « Vous prenez trop souci de moi. » Elle dégagea son bras et se mit à marcher près de lui. « Je réglerai mon pas sur le vôtre. » Il était évident qu'il ne voulait pas être surpris par l'orage dans ce sentier au milieu des prés, où il n'y avait pas un abri, pas un creux de rocher, pas un chalet, pas une hutte. Il devait se hâter. Les nuages noirs qui venaient du sud avaient envahi tout le ciel et caché le soleil, quelques instants auparavant si radieux. Maintenant, c'était des sommets neigeux que venait la lumière, une lumière blafarde. Du ciel, au contraire, tombait l'obscurité que des éclairs déchiraient de temps en temps pour jeter sur la terre des lueurs fulgurantes. Lorsque, subitement, un de ces éclairs éclatait sur les pentes herbées de la montagne, on voyait des vaches bondir, affolées, au milieu des rochers, et le bruit grêle de leurs clochettes, succédant au roulement du tonnerre, produisait un effet étrange et fantastique. D'autres vaches, au contraire, réunies auprès de leur berger et formant cercle autour de lui, tandis qu'il allait de l'une à l'autre pour les flatter, restaient immobiles, rassurées, montrant ainsi toute leur confiance dans la protection imaginaire qu'elles trouvaient auprès de leur maître. Répercutées, répétées, renvoyées par les parois des montagnes contre lesquelles elles venaient éclater, les détonations du tonnerre produisaient un vacarme assourdissant. Ce n'étaient pas quelques coups roulants l'un après l'autre, c'étaient des éclats répétés qui semblaient se heurter pour aller se perdre dans les profondeurs des vallées ou bien pour remonter des vallées au ciel, comme s'ils ne trouvaient pas un espace libre pour se répandre en vagues sonores. Alors, dans leur sentier où ils se hâtaient, ils étaient secoués par ces vagues qui les enveloppaient et tourbillonnaient autour d'eux. Pour lui, il restait assez calme au milieu de ce bouleversement, mais à chaque coup de tonnerre, Carmélita baissait la tête et levait les épaules. « Je suis servie à souhait, » dit-elle dans un intervalle de silence, « et peut-être trop bien servie. Vous avez peur ?»« Dame, oui. Nous approcherons de la hutte. Combien de temps encore ? 5 minutes en marchant vite. » Un éclat de tonnerre lui coupa la parole. En même temps, une nappe de feu les enveloppa et les éblouit. Instinctivement, Carmélita s'était rapprochée du colonel. Elle lui tendit la main. « Voulez-vous me conduire ? » dit-elle. « Je n'y vois plus. » Il prit cette main dans la sienne, et une sensation brûlante courut dans ses veines, de la tête aux pieds, des pieds à la tête. Ils se remirent en marche, lui le premier, elle venant ensuite, se laissant mener docilement comme une enfant. Il fallait se hâter, car les rafales se succédaient presque sans interruption, et la pluie ou la grêle allaient fondre sur eux d'une minute à l'autre. Quand un coup de tonnerre éclatait, le colonel sentait la main de Carmélita serrer la sienne. Puis après cette pression, il sentait ses frémissements. Sans les éclairs qui les éblouissaient et qui faisaient danser le sentier devant leurs yeux, ils auraient pu marcher plus vite. Mais il y avait des moments où ils devaient s'arrêter, ne sachant où mettre le pied, n'ayant plus devant eux que des nappes de feu ou des trous noirs. Alors, les doigts de Carmélita, agité par des contractions électriques, se crispait dans sa main. Le vent les frappait dans le dos et les poussait en avant. Tout à coup, ils sentirent quelques gouttes tièdes leur piquer le cou. C'était la pluie qui arrivait. Heureusement, voici la hutte, dit-il. Et de son bras étendu en avant, il désigna une masse sombre qu'un éclair presque aussitôt vint illuminer. Encore une centaine de mètres et il trouvait un abri. Lui serrant la main, il l'entraîna rapidement. La rafale qui avait apporté ses quelques gouttes de pluie passa. Il y eut une sorte d'accalmie. Ils en profitèrent pour presser le pas sans parler. Cette butte était une sorte de construction en pierre sèche, recouverte d'un toit en planches chargé de quartiers de rochers pour les maintenir en place et faire résistance au vent. Ce n'était point un chalet, habité pendant la saison où les vaches fréquentent la montagne. C'était une simple grange, dans laquelle on abritait le foin que les bâchers allaient couper à la fosse sur les pentes trop rapides pour être pâturés par leurs bestiaux. Point de porte à cette grange, point de fenêtre, une seule ouverture, qui n'était fermée par aucune clôture. Ils n'eurent donc pas l'embarras de chercher comment entrer en arrivant devant cette grange. L'ouverture donnait sur le sentier. Ils se jetèrent à l'abri. Il était temps. La pluie commençait à tomber en grosses gouttes larges et serrées. Bientôt, ce fut une véritable cataracte qui fondit sur le toit de la grange. Mais ils n'avaient plus rien à craindre de l'eau. Ils pouvaient respirer. Il est vrai que ce n'était pas de la pluie que Carmélita avait peur, c'était du feu, c'est-à-dire du tonnerre, et l'orage précisément venait de se déchaîner en plein sur eux. Jusque-là, ils n'avaient eu affaire qu'à l'avant-garde des nuages, maintenant c'était le centre de la tempête qui les enveloppait. Se heurtant contre la montagne, qui s'opposait à leur libre passage, les nuages s'étaient divisés. Tandis que les uns s'envolaient par-dessus les sommets, les autres s'étaient abattus dans les vallées, de sorte que dans leur hutte, ils étaient véritablement au milieu de l'orage. Tantôt les détonations éclataient au-dessus de leur tête et semblaient devoir écraser leur toit. Tantôt, au contraire, elles éclataient au-dessous d'eux et semblaient soulever les planches qui les abritaient. Les nappes de feu se succédaient sans interruption, éblouissantes, aveuglantes, comme s'ils avaient été en plein dans les flammes du ciel. Tout d'abord, Carmélita avait voulu rester à l'entrée de la grange pour jouir du spectacle splendide des éclairs embrasant les montagnes. Mais bientôt, elle avait abandonné cette place, plus peureuse que curieuse, pour aller s'asseoir sur le foin et se cacher la tête entre les mains. Pour le colonel, il s'était appuyé contre le mur et il regardait les éclairs, ne fermant les yeux que lorsque leur clarté trop vive l'éblouissait. Dans un court intervalle de silence, il entendit Carmélita l'appeler. Il s'approcha d'elle. « Je suis comme ces pauvres bêtes que nous regardions tout à l'heure et que la voix de leur maître rassurait. Il me semble que si vous me parliez, j'aurais moins peur, car je l'avoue, j'ai très peur. » Il s'assit près d'elle sur le foin parfumé et voulut la rassurer par quelques mots plus ou moins raisonnables. Mais une détonation formidable lui coupa la parole. La grange, secouée du haut en bas, semblait prête à s'écrouler. Des lueurs fulgurantes couraient partout comme si les planches et le foin venaient de s'allumer. Elle jeta brusquement ses deux bras autour des épaules du colonel et, frémissante, éperdue, elle se serra contre lui. Il se pencha vers elle. Mais dans ce mouvement, leurs bouches se rencontrèrent et leurs lèvres s'unirent dans un baiser. À son tour, il la prit dans ses bras.